Quand mes primes, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre, et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois. Quand tu restes prisonnière, prisonnière de mes bras, comme mes primes, tu me donnes tant de joie. La notte comme allora, ma jusqu'à spinde, la lune a spinde. Et tu sais qui mi sento un peu confuse, non so capire, e ti so dire solo così. Come prima, tu di prima t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno inverditi a carezzarti, la tua mani fra ta mani spengerà ancora. Come prima, come prima ti me donne tant d'amour. J'espère te le rendre tant heureuse dans mes bras. Come prima ti me donne, come prima.